vie de toujours bon dos. Pas jamais gain chance pour me connaître ça qui bonheur. Tout ça me dévlé, ça me t'essayé, pas de bon. La nuit moi sans sommeil. Chaque journée me passe, c'est un enfer. Qui est pas coupé, pour y être moins pas marré. En vérité, pas utile d'être moins en yé. Y'a plus de travail que trouver de trois jours révoqués. Malgré me qualifier, conditions y'a pas bon pour moi. Conseil patron, c'est pas connaissance que y'a bien cherché. C'est plutôt y'a mou. Qui pour blesser qui m'a yo wo wo chercher, c'est plutôt yon mou.